C'était sous le hangar de la charreterie que la table était dressée. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots, et au milieu, un joli cochon de lait rôti, flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Aux angles, se dressait l'eau-de-vie dans des carafes. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, et tous les verres d'avance avaient été remplis de vin, jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune, qui flottaient de même au moins de choc de la table, présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesque en sucre. On avait été chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses. Il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base, d'abord, c'était un carré de carton bleu, figurant un temple aux portiques, colonnades et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait, au second étage, un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menus fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartier d'orange. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte, où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écailles de noisettes, on voyait un petit amour se balançant d'une escarpolette de chocolat, dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturel en guise de boule au sommet. Jusqu'au soir, on mangea. Quand on était trop fatigué d'être assis, on allait se promener dans les cours ou jouer une partie de bouchon dans la grange. Puis, on revenait à table. Quelques-uns, vers la fin, s'y endormirent et ronflèrent. Mais au café, tout se ranima. Alors, on entama des chansons. On fit des tours de force. On portait des poids. On essaya de soulever les charrettes sur ses épaules. On disait des gaudrioles. On embrassait les dames. Le soir, pour partir, les chevaux, gorgés d'avoine jusqu'aux naseaux, eurent du mal à entrer dans les brancards. Ils ruaient, se cabraient, les harnais se cassaient, leurs maîtres juraient ou riaient. Et, toute la nuit, au clair de la lune, par les routes du pays, il y eut des carrioles emportées qui couraient au grand galop, bondissant dans les saignées, sautant par-dessus les maîtres de cailloux, s'accrochant au talus, avec des femmes qui se penchaient en dehors de la portière pour saisir les guides. Ceux qui restèrent au berteau passèrent la nuit à boire dans la cuisine. Les enfants s'étaient endormis sous les bancs. La mariée avait supplié son père qu'on lui épargnât les plaisanteries d'usage. Cependant, un marieur de leur cousin, qui même avait apporté comme présent de noces une paire de soles, commençait à souffler de l'eau avec sa bouche par le trou de la serrure, quand le père Rouault arriva juste à temps pour l'en empêcher et lui expliqua que la position grave de son gendre ne permettait pas de telles inconvenances. Le cousin, toutefois, céda difficilement à ses raisons. En dedans de lui-même, il accusa le père Rouault d'être fier. Il alla se joindre dans un coin à 4 ou 5 autres des invités qui, ayant eu par hasard plusieurs fois de suite à table les bas morceaux des viandes, trouvaient aussi qu'on les avait mal reçus, chuchotaient sur le compte de leur hôte et souhaitaient sa ruine à mots couverts. Madame Bovary, mère, n'avait pas desserré les dents de la journée. On ne l'avait consultée ni sur la toilette de la Bru, ni sur l'ordonnance du festin. Elle se retira de bonne heure. Son époux, au lieu de la suivre, envoya chercher des cigares à Saint-Victor et fuma jusqu'au jour, tout en buvant des grogs au kirsch, mélange inconnu à la compagnie, et qui fut pour lui comme la source d'une considération plus grande encore. Charles n'était point de complexion facétieuse. Il n'avait pas brillé pendant la noce. Il répondit médiocrement aux pointes, calembours, mots à double entente, compliments et gaillardises que l'on se fit en devoir de lui décocher dès le potage.